Un soufflet par Marceline Desbordes-Balmort. Voudrais-tu être reine, Christine ? Cette question d'un vieillard qui plongeait ses yeux à demi fermés au fond d'un échiquier dont les pièces gisaient éparses et en désordre était adressée négligemment, après une longue leçon d'échecs, sur laquelle il avait épuisé toute la patience de sa fille. Reine des cœurs ? Demanda la gracieuse enfant, sans relever sa tête inclinée sur un riche coussin de velours noir, où elle nourrissait elle-même un affreux petit dogue qu'elle aimait avec passion. « Reine des cœurs, ma fille, cet empire est déjà le tien, » répliqua d'un ton d'insouciance affectée le ministre, qui déposait souvent sa gravité auprès de la riante Christine. Il roulait alors entre ses doigts une magnifique tabatière ornée de gros diamants qui encerclait une petite miniature, portrait et présent d'un roi fort laid. « Mais, continua-t-il en parlant comme au hasard, est-ce là ta seule ambition ?» Comment l'étendrai-je plus loin? J'ai plus de sujets à présent que je n'ai de science pour les gouverner. Oh! Je ne me serais pas douté, mon enfant, que vous eussiez des sujets. Vous êtes au moins trop prudente pour encourager leurs hommages. Vraiment, répliqua Christine en agaçant le jeune dogue qui grinçait les dents. Je ne leur suis pas trop obligé d'hommages qui me sont dus. Il n'y en a qu'un dans le monde pour lequel je ressens la plus tendre gratitude. Le sourcil du premier ministre de Suède se fronça. « Quel est cet homme, Christine ?» Christine rougit, regarda son père avec un étonnement enchanteur et redoubla ses caresses à son petit chien hargneux. Le comte, d'un ton plus serré, renouvela sa question. « Quel est cet homme, Christine ?»« Qui serait-ce donc, sinon Adolphe de Hesse, mon beau-neveu, cher père ?»« Vous n'avez pas été, je pense, assez hardi pour vous engager d'amour avec ce jeune garçon. »« Jeune, de 18 ans, mon père. C'est mon plus vieil ami. » J'étudie tout avec lui, mais je ne peux me ressouvenir quand j'ai appris à l'aimer, tant il y a déjà longtemps. Folie, vous habitez lui ensemble chez sa mère, c'est un pur amour fraternel. Du tout, du tout. Je serais bien fâché qu'Adolphe fût mon frère. C'est pourtant tout ce que je peux faire pour son service. Il est sans fortune, il n'a d'autre état que sa commission et ma bonté. Votre bonté est immense, mon doux seigneur, et puis il est brave, il est magnanime. Pour moi, que j'ai fait attention qu'il avait d'autres yeux qu'étant petit, qu'il parlait mieux que tous les grands, je n'ai pas interrogé la profondeur de ses trésors. « Ma chère fille, il faudra l'oublier, » dit le comte en passant tendrement le bras autour du fin corsage de Christine encore à genoux. « Mon bon père, je ne l'essaierai pas, car je ne saurais pas où m'y prendre. Et vous l'aimez vous-même, pas assez pour en faire mon héritier. Il le serait pourtant si je mourais, mon père. » Le ministre regarda fixement le visage jeune et rose de sa fille comme pour plonger à travers, et le pli d'effroi paternel qui s'était formé entre ses deux yeux disparut comme un éclair. « Il n'y a là que de la vie, » dit-il en lui frappant doucement sur le front. « Aussi je ne songe qu'à marier cette méchante fille. » « Et vous nous rendrez les deux enfants les plus heureux de ce monde, » répondit Christine, dont les yeux noirs étincelaient à travers ses larmes. « Ma pauvre fille, vous avez été bien gâtée. » Je vous ai donné trop de licence et de liberté. Voilà présentement que vous me demandez l'impossible. Soyez raisonnable. Et pour vous distraire un peu, votre tante vous présentera à la cour. Vous verrez de belles choses. Vous connaîtrez notre brave et jeune roi, si vous êtes raisonnable. Le rude monstre ! S'écria Christine en se levant avec vivacité. Je ne souhaite pas le voir. On dit qu'il hait les femmes. C'est une calomnie. Il est amoureux d'une belle et méchante comme toi, comme moi. Le comte se mit à rire, et l'instinct de Christine s'éveilla, car elle répondit après avoir un peu rêvé. « Je ne l'ai pourtant jamais vu. » Mais il t'a vu et il dit « Que dit-il, mon père ?»« Que t'importe d'un monstre, d'un haïsseur de femme ?»« Ah, mais il est roi !»« Que dit-il, enfin ? Que peut-il dire ? Je veux le savoir, mon père. »« Ah, mon père, dites donc !» Mais le ministre était déterminé à garder le silence, et nulle prière, nulle séduction de la jeune, de la savante Christine, ne put lui arracher une autre parole. « À propos, » interrompit-il tout à coup comme se rappelant une chose qu'il craignait d'oublier, « parlons d'autre sujet, d'un sujet sérieux. J'amènerai ce soir un officier pour souper avec moi. Recevez-le bien. Recevez-le avec déférence. Je vous le destine pour mari. » « Je ne veux pas de lui !» cria Christine en courant après son père comme il sortait de la chambre. « Si je n'épouse pas vos soldats, je vais mourir, fille. » « Que l'amour t'exauce, cousine, » dit Adolphe de Hesse, en sortant de dessous les longs rideaux de l'empereur frangé d'or, où il s'était furtivement glissé depuis un quart d'heure. « Il est doux de faire l'espion pour entendre un avocat tel que toi, mon amour, plaider une cause aussi désespérée que la mienne. Désespéré. Comment ? La bataille est à demi gagnée. La colère de mon père est une pluie sur l'herbe. Un rayon de soleil l'évapore. Ne le connais-tu pas, Adolphe ? Je t'en prie, ne soupire pas, ne croise pas ainsi tes bras. Ne regarde pas le ciel avec cet air solennel. Je n'ai pas envie de gémir, moi. Je veux du bonheur, de la joie, un bal. Eh bien, l'amour accordera l'orchestre, et nous danserons gaiement au bal de notre mariage. L'espérance t'abuse, Christine. Je connais ton père mieux que toi. Ah, ma bien-aimée, poursuivit-il en examinant sa beauté avec effroi. Tu n'auras pas le courage de refuser le jouet magnifique qu'il veut t'offrir, en échange du cœur ardent et dévoué de ton cousin. Christine, à son tour, le regarda entre les deux yeux, et les siens se remplirent de larmes. Mais comme elle ne pouvait s'arrêter longtemps à une idée triste, elle essaya un peu de colère. « Vous ne me croyez pas destinée à augmenter la liste des amantes fidèles, à ce que je vois, et cela en dépit même de la dernière preuve que vous venez de surprendre de ma bonne foi, espion ? Sèche cette larme, Christine. Je ne suis pas assez stoïque pour braver une telle éloquence. »« Pourquoi me fais-tu pleurer ? » dit Christine en souriant déjà. Était-ce donc pour le pur plaisir enfantin de sécher des larmes avec tes lèvres? Ou bien étais-tu en effet jaloux de quelque rival imaginaire, que sais-je, de cet antidote aux émotions tendres du cœur? Du comte Erickson, peut-être? Erickson te déplaît? Je n'en suis pas en peine. Il n'est guère d'ailleurs plus riche que moi, je pense. Mais, Christine, eh bien, Christine, pourquoi soupires-tu encore? Ton père t'amènera ce soir un nouvel amant, et moi je serai oublié. Tu le mérites pour oser le prévoir, pour m'offenser de tes soupçons. Mais tu es mon cousin, et je te pardonne cette fois encore. » dit-elle en passant sa tête souple et caressante sous les deux mains d'Adolphe qu'elle tenait dans les siennes. « Tu m'aimes donc bien réellement, Christine. Je ne te l'ai dit que 100 fois, ingrat. Tu dois être étourdi de la répétition d'un mot si court. Il est si nouveau pour moi, grand Dieu. Eh bien, nous nous aimons, voilà qui est sûr. Mais comme mon père ne veut pas donner son consentement à notre union, il faut l'attendre. Et s'il ne veut jamais, jamais, est-ce qu'on craint cela? Christine, je le crains. Eh bien alors, il faudra toujours rester ainsi. Le bonheur ne s'augmente point par un acte de désobéissance. Je le pense de même. Et tu es donc bien heureuse, toi? Quelle demande! Je te vois tous les jours. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Adolphe la regarda, rêveur, mais sans lui répondre d'abord, puis il dit avec un soupir, « Je te trouve bien prudente. Je ne veux pas briser le cœur d'un père. « Non, mais le mien, Adolphe. Si je ne suis pas ta femme avec le consentement de mon père, je n'en épouserai jamais un autre. Mais voilà tout ce que je puis te promettre. » Le jeune soldat se rembrunit, marcha vivement à travers la chambre, s'arrêtant à chaque tour pour contempler ce doux tyran qui le tenait si insoucieusement dans ses chaînes. Christine essaya de se maintenir grave, mais deux fois cette mignonne qui donnait tant de charme à sa bouche était prêt de reparaître sur la plus légère provocation à ce rire du cœur qui le faisait battre avec tant d'égalité. Celui d'Adolphe ne palpitait pas sur ce mot de riant. C'était un amant tout entier, dont l'imagination jalouse et pénétrante ne considérait plus Christine que comme un trésor gardé par deux monstres propres à tuer toutes les espérances, l'ambition et l'avarice. Tandis qu'ignorante des desseins de son père, confiante dans l'amour de son bien-aimé parent, la fille candide d'un vieux courtisan ne voyait pas un nuage sur l'avenir. Elle était au contraire singulièrement égayée par les bouderies de son amant, dont les yeux lançaient des flammes sans qu'il osât se plaindre davantage. Toutefois, hors de lui-même, trop peu du monde encore pour renfermer la torture des réflexions qu'il étouffait, tremblant d'en effrayer l'innocence de Christine, il se dédommagea de ne pouvoir soulever sa compassion en se déchirant lui-même. « J'ai été bien fou !» s'écria-t-il. « Oh, je mériterai tout ce qui m'arrivera. » De par le ciel, avoir souffert qu'une passion absurde me trompa. Allons, il faut en finir. Je ne paierai point la dette que je dois à ton père en lui dérobant son unique enfant. Adieu, Christine. Je vais rejoindre mon régiment. Je compte sur la pitié d'une bonne bataille. Au moins tu penseras avec un peu de tristesse à ton ami perdu. » Sa voix s'altéra. Christine poussa un cri, et ses larmes jaillirent avec abondance. Car Adolphe était à ses pieds qui lui pardonnait et lui demandait pardon. Sa belliqueuse résolution s'y fondit comme le plomb de la flamme, et les jeunes amants ne se quittèrent que plus passionnément épris l'un de l'autre. Christine n'aurait pas voulu mourir de son amour, au contraire, elle voulait en vivre, et violemment séparée de l'objet de cette amitié vierge et vraie, elle en eût traîné partout avec elle une douloureuse et ineffaçable impression. mais cela ne pouvait être. Mais ils seraient toujours ensemble. Mais en dépit des troubles de son inquiet amant, une attraction fort peu combattue l'entraîna vers son miroir. Elle se rappela l'ordre que son père lui avait donné de faire les honneurs du repas qu'il offrait le soir même à quelque nouvel ami, et suivit ponctuellement cet ordre, en ajoutant à sa parure tout ce qui pouvait combler d'orgueil le père le plus épris de la beauté de son enfant. Aussi, quand elle entra dans la salle chaude et parfumée par ses soins, où le souper était préparé avec une magnificence inhabituelle pour le riche ministre et son hôte unique, elle y parut assez ravissante pour l'adoration d'une cour entière. Rien ne peut donc décrire l'étonnement et le dépit de la brillante Christine, lorsqu'au lieu d'un étranger de distinction qu'elle s'attendait à frapper de ses charmes, elle reconnut, dans celui qui se leva gauchement à son approche pour la conduire vers la table, l'odieux Erikson, l'objet de son unique aversion, le but méprisé des sarcasmes de sa joyeuse malice. « Qu'a donc mon père pour se moquer ainsi de moi ce soir ? » pensa-t-elle en elle-même, et regardant de côté cette figure trop connue. « Oh, c'est bien lui !» poursuivit-elle tout bas en étouffant un soupir et une envie de rire incommode qu'ils se combattaient ensemble. « Qu'est-ce qu'il me veut donc, ce laid capitaine, avec ses deux gros yeux bleus faïence et ses cheveux jaunes frisés à l'enfant ?» Sa haine naïve n'ajoutait en effet rien au disgracieux portrait qu'elle tirait à part du grand jeune homme osseux et inélégant qui posait devant elle, avec son nez ultra-aquilin, ses joues rugueuses et l'incivile hardiesse de son regard militaire, qui semblait prendre d'assaut les charmes frêles et boudeurs de cette fière sensitive, car tel était depuis peu de semaines le plus constant visiteur du ministre avec lequel il demeurait enfermé durant des heures entières. En vain, Christine, dans le désespoir d'une délicieuse toilette perdue, se fut résignée à subir ses galanteries et sa vulgaire admiration. Cette machine de guerre fut restée 6 mois devant elle sans qu'il en sortît un compliment. La seule manifestation du trouble qui dérangeait sa gravité, c'était de rire bruyamment de ses propres paroles aussi lourdes que lui. Christine, dans la contrainte où la tenait son respect pour son père, semblait chercher à tout coup par quelle porte pourrait se sauver l'ennui mêlé d'indignation que lui causait la présence d'un tel prétendant à sa main. Son cœur, plein d'une image charmante, irrité de la présomption de ce morne rival, bondissait, prêt à s'écrier « Le comte Erikson, miséricorde, le comte Erikson !» Et comme si l'insoutenable Erikson eût été la conscience des réflexions hostiles qu'il inspirait, il s'efforça tout à coup de lancer au dehors tous ses pouvoirs de gloire et se fraya une route nouvelle dans les bonnes grâces de la belle silencieuse en lui demandant brusquement « Que pensez-vous d'Alexandre le Grand ?» Christine put retenir un candide éclat de rire au nez du sérieux questionneur. « Jamais je ne pense à Alexandre le Grand, » répondit-elle. « Je me rappelle seulement qu'en lisant son histoire, je n'avais peur comme d'un fou ou d'un homme enragé. » Erikson réclama avec vivacité en faveur du courage le plus prodigieux que le monde ait jamais admiré. S'il eût été prodigieusement sage, comme il était prodigieusement conquérant, il eût appris à se gouverner avant d'apprendre le gouvernement du monde. Erikson rougit jusque dans ses cheveux ardents et frisés, et répliqua presque avec emportement « Une femme peut-elle pénétrer dans la noble fièvre qui précipite un homme de courage dans une foule de dangers et le porte à mépriser la vie avec toutes ses fades jouissances pour mériter la couronne d'une gloire immortelle ?»« Non, » reprit-elle simplement, « je n'ai point de fièvre et nulle sympathie avec les destructeurs. Si j'avais une célébrité, je voudrais l'attirer sur moi par les bénédictions des spectateurs de ma vie. »« Oui, mon père, oui, » poursuivit-elle, sans obéir au regard répressif du ministre, qui lui commandait le silence. « J'aimerais mieux qu'ils vécussent pour me bénir que de mourir en me maudissant. C'est affreux, les tueurs d'hommes. N'en parlons pas, messieurs, que pour prier le ciel d'en délivrer la terre. »« Enfant !» murmura le ministre à la torture en remplissant le verre d'Erikson stupéfait et s'efforçant de le distraire. « À la gloire d'Alexandre, comte !»« Bien dit !» s'écria le guerrier, en mouillant sa colère d'un vin délicieux. « Allons, petite sauvage, à la gloire d'Alexandre !» Et il heurta la coupe brillante de Christine de manière à la briser en éclats. « Je n'ai point de soif pour une telle gloire, » répliqua la mutine raisonneuse. « Je ne boirai point à ces phénomènes malfaisants qui cachent une peau de tigre sous leur manteau de roi. »« Seigneur, seigneur !» interrompit le courtisan, effrayé du courroux croissant de son hôte, dont les yeux brillaient comme la lame d'un sabre. « Les saillies d'une petite fille monteront-elles jusqu'à votre éperon ? Elle n'est folle encore que de son petit chien, qui peut impunément la mordre. » Et déchirer ses doigts faibles comme des fuseaux. « Voyez, » poursuivit-il négligemment, tandis que l'indignation du soldat s'amortissait à la vue de cette petite main d'enfant qu'on avançait presque sous sa moustache hérissée. Ses connaissances en guerre sont bornées jusqu'ici à la marge du jeu d'échecs. Cette sphère étroite est son champ de bataille. Continua-t-il, en approchant lui-même la table où se trouvait placé à dessein le jeu passionné d'Erickson. Elle y combat si courageusement le général que même un vieux soldat comme moi trouve quelque honneur à y réduire sa pétulante obstination de femme. Rien n'était, selon toute apparence, plus propre à recomposer le maintien compromis de l'inculte Erickson que la perspective d'une partie d'échecs. Car se retournant vers la rieuse et colérique enfant, il lui jeta plus courtoisement qu'elle ne l'en supposait capable le défi d'engager une bataille avec lui. « Mais si je vous battais, répartit-elle en reprenant sa gaieté, ce n'est pas là seulement que j'aurais été vaincu par vous, belle méchante, dit-il en la regardant en face et serrant sa main à la faire crier. Christine rougit et baissa les yeux vers la terre, non sans les avoir lancés pleins de dédain sur le maladroit. Mais la glace était rompue, le papillon engourdi prenait ses ailes. Il rencontra donc et soutint ce fier regard avec une défiance assez insolente de sa sincérité. « Il y a plus de fougue dans cet automate qu'il ne me semble, » pensa confusément Christine. « Et mon père me force à jouer un jeu menaçant pour moi. » Elle cacha sa joue, plus colorée, avec sa main, et fixa les yeux immuablement sur l'échiquier, déterminée par un vif accès de contrariété à jouer aussi mal que possible pour mortifier son orgueilleuse atmosphère. Mais ce soin était de trop. Le petit champ de bataille tremblait sous les mains agitées d'Erickson, qui en reconnaissait à peine les pièces, et qui les poussait à tort et à travers. Ses attaques sans jugement devinrent si faciles à déjouer que la novice écolière, avec l'innocente joie que donne un succès inattendu, s'écria triomphante « Et se corrompt par la reine !»« Cruel !» riposta le comte en frappant du poing au milieu des pièces qui se culbutèrent en désordre. « Ne souhaitez-vous pas faire le roi votre esclave ?»« Mais je n'empêche pas qu'il se sauve !» dit Christine, épouvantée de tant de rudesse et stupéfaite du calme profond de son père, qui observait tout avec un indulgent sourire. Impossible maintenant de s'y reconnaître, poursuivit-elle en cherchant à remettre sur pied roi, reine et cavalier confondus dans une affreuse mêlée. N'essayez pas, n'essayez pas, cria Erickson comme hors de lui en poussant violemment l'échiquier qui y tomba sur le parquet. Le coup est décidé, vous m'avez fait échec et mat. Puis, tout à coup, comme honteux de sa violence et de l'empire qu'il laissait prendre sur lui par une si mièvre chose, le voilà qui sort de l'air le plus hagard et le plus défait du monde, embarrassant ses pieds dans son sabre et donnant au diable sa maladresse, aussi bien que l'amour qui en était la cause. « Il ne reviendra pas, j'espère, » dit Christine en voyant, au bout d'une heure, rentrer son père qui avait disparu avec Erickson, en se précipitant sur ses pas, aussi empressé que s'il eût été le plus aimable des convives. « C'est ce qui vous trompe, ma chère, » répondit le ministre, plus rayonnant qu'avant tout ce désastre. Il brûle déjà de revenir et ne se console pas de n'avoir point employé mieux les 2 heures enchantées qu'il vous doit. « Enchantées, Seigneur ? Quoi ? C'est ainsi qu'il les aime ? » repartit-elle avec étonnement. « Pour moi, mon père, je suis... je ne sais comment, » interrompit-elle, pleurant de voir rire son père dont elle eût préféré les reproches. « C'est pour m'éprouver, n'est-ce pas, que vous me faites à croire qu'un pareil homme ose prétendre à me plaire ? Ah, je le crois plus amoureux d'Alexandre que de moi, et il fait bien. » Enthousiasme louable dans un guerrier de 19 ans, dont vous apprivoiserez la sauvage ambition. Il est déjà dans un grand trouble, bien flatteur, sans doute, pour une jeune étourdie comme vous. Mais il faut le contrarier avec plus de mesure. Entendez-vous, mon ange? Il est brave, riche et noblement né. Que désirez-vous de plus? Mon cousin, répliqua vivement Christine, mon seul Adolphe, plus brave que lui, j'en suis sûr, et aussi noble que vous, mon honorable père. Allez reposer cette mauvaise tête, dit-il en la baisant au front, et priez Dieu pour la gloire de votre père. Christine pria fidèlement et de tout son cœur pour la gloire paternelle, après quoi elle ajouta la plus fervente de toutes les prières pour le bonheur d'Adolphe qu'elle ne séparait pas du sien. Elle fut toutefois, durant plusieurs jours, trop occupée à tourmenter l'amant qu'elle adorait, pour se ressouvenir de celui qu'elle haïssait si franchement. Tout à coup, Adolphe, plus fier que Christine, parce qu'il était plus pauvre, ne voulut plus jouer à ce jeu d'esclave qui plaisait tant à sa folle maîtresse. Il eut l'immense courage de s'absenter de cette maison, laissant croire à Christine consternée, croyant peut-être lui-même, qu'il l'abandonnerait aux poursuites de son riche prétendant. Et quand il reparaissait, durant de courtes visites reçues sans beaucoup de chaleur par son oncle tout glacé de diplomatie, il se tenait à une telle distance de Christine, à son tour rêveuse et bouleversée, qu'elle ne vit plus d'autre moyen de retrouver le repos et Adolphe qu'en détruisant à jamais l'audacieuse prétention du comte. Un matin, qu'elle avait souhaité, peut-être plus ardemment qu'Erickson lui-même, de demeurer seule avec lui, après avoir suivi des yeux son père jusqu'au bout d'une longue galerie, où il disparut sous le prétexte d'une dépêche importante à expédier, elle attendit avec anxiété qu'il prît la parole pour le rudoyer de manière à ce qu'il n'y revînt pas. Ce fut vainement. On eût dit que cet amoureux contemplatif n'avait ni lèvres ni voix. Christine étouffait d'impatience. « J'ai rêvé de vous, cette nuit, » dit-elle enfin pour entamer une querelle décisive. « J'espère qu'à l'avenir, vous n'aurez pas la présomption de troubler mon sommeil par votre présence. Je vous trouve bien hardi d'oser vous montrer jusque dans mes rêves. » « Moi aussi, j'ai eu un songe, » répondit Erickson, troublé, n'ayant bien compris que les premières paroles de cette impertinente provocation. « J'ai rêvé que vous me regardiez en souriant, que vous me regardiez longtemps, et j'étais heureux. » « C'était un mensonge, » appuya-t-elle avec une féroce naïveté. « Je sais mieux, quand je veille ou quand je dors, sur qui je dois attacher mes sourires. » « Comment vous suis-je donc apparu cette nuit ?» demanda le comte avec un étonnement singulier, que Christine trouva stupide. « En cauchemar, monseigneur, aussi insupportable qu'aujourd'hui. » « Méprisante fille, enseigne-moi donc à te faire l'amour, » s'écria-t-il en imprimant avec vivacité un baiser sur ses lèvres pourpres de colère. Cette licence, dont Christine trouva l'heure d'or par trop effrénée, fut payée par un souffle si prompt et si haineux que l'offenseur en frotta sa joue rougissante, s'émerveilla qu'il eût été appliqué par ses doigts, faibles comme des fuseaux. Un obus lui frappait de moins de surprise. « Votre père m'a trompé, » dit-il après un assez long silence et du ton le plus grave. « Il m'a laissé croire que vous ne receviez pas mes visites avec indifférence. Mon père ne se connaît point dans ces choses-là, » répliqua Christine avec une courageuse indignation, « car il n'eut jamais présenté à sa fille un jeune homme si mal élevé. Au reste, et à tout prendre, il vous dira vrai. Car vous n'êtes pas pour moi un objet d'indifférence. Vous ne pouvez l'être, entendez-vous, comte Erickson, et... » Adolphe recueillit ces dernières paroles de la voix altérée de Christine, en entrant précipitamment pour rompre un tête-à-tête qui le rendait fou de jalousie. « Qui êtes-vous ? » demanda sauvagement Erickson, avec un ton si rempli d'autorité que Christine eût bien voulu le battre encore. « Un soldat !» répondit Adolphe, les dents serrées, en tirant son sabre et le jetant tout à coup sur la table. « Un soldat blessé pour l'amour de son pays et qui veut mourir pour le défendre. « Nous sommes donc amis ?» dit Erickson en lui tendant la main. « Nous sommes rivaux !» répartit Adolphe en se reculant vers la table. « Christine vous aime donc ?» Elle me l'a dit. Fiez-vous à votre tour à la foi d'une jeune fille. Vous n'êtes pas l'objet de son indifférence, et je vous cède la place auprès d'elle. À qui ? S'écria Christine frémissante avec les larmes aux yeux. Au roi ! Répondit Adolphe en s'éloignant avec désespoir. Christine tomba sur une chaise et cacha sa figure sous ses mains. Restez ! Cria Charles XII d'une voix tonnante. Restez donc ! Le jeune homme obéit en se mordant les lèvres jusqu'au sang. Je vous ai vu. « Mais jamais dans cette maison. Elle m'était fermée par mon oncle quand vous deviez y venir. Pourtant, je vous ai vu quelque part. Votre nom ? Adolphe de Hesse, fils d'un brave officier mort en se battant pour vous. Il m'a laissé sa misère et les larmes de sa veuve. Qui vous a dit que je ne fusse pas, Erickson ? Mes yeux, car je vous regarde et je vous reconnais aussi, moi. » Charles XII, en s'approchant de son soldat, dont les yeux s'allumaient comme ceux d'un jeune lion, s'arrêta tout à coup, frappé de souvenirs. D'où te vient cette cicatrice sur la tempe gauche ? De Nerva, sire, où avec une poignée d'hommes, votre majesté défie les armées de Russie. Tu dis vrai ? S'écria Charles, ivre de joie, comme s'il respirait tout à coup la poudre de cette bataille. Puis, sautant au cou d'Adolphe et posant le doigt sur sa cicatrice, tu n'avais pas besoin d'autre passeport pour arriver jusqu'à moi, même pour te battre contre moi, comme je jurerais que tu en as grande envie. Car le jour dont tu me parles, j'ai appris comme toi le rôle d'un soldat et la vraie dignité de l'homme. Par les mille bombes qui nous pleuvaient au visage, donne ta main, frère, car nous avons été baptisés ensemble par le sang. » Charles XII parut alors à Christine grand et imposant comme une forteresse. Alors, se retournant tout à coup vers la jeune fille dont la curiosité avait déjà séché les larmes, il lui dit avec une gaieté qui n'était pas sans grâce. « Par mon sabre, Christine, je suis un triste soupirant. Un seul geste de ta main vient d'étouffer dans mon cœur tous les amours qu'il avait pris par trahison. Parle donc aussi franchement que tu agis, Aimes-tu ce brave ? Irrévocablement, sire. Qui empêche ce mariage ? Celui du comte Erickson, dont mon père me menace incessamment. Oh oh ! Pensa Charles en souriant à part avec réflexion. Je vois au fond des choses maintenant. Le roi n'a point regret au baiser, puisque le soufflet tombe sur la joue du courtisan. Christine, ajouta-t-il en reprenant sans contrainte le ton du commandement, ton père refuse de te donner à celui que tu préfères. Tu l'épouseras pourtant parce que je le veux. Conviens que, si je fus ton cauchemar comme amant, je ne suis pas ton ennemi comme roi. Je l'avoue à genoux, dit l'orgueilleuse en y tombant avec son heureux cousin. Tandis que Charles, penché sur la rougissante coupable, unissait leurs mains avec une bonté brusque, il imprima sur ce front chaste le dernier hommage que ses lèvres aient jamais offert à une femme. « Sa Majesté me pardonne donc, » murmura la tremblante espiègle. « Si j'avais su que c'était le roi, je n'aurais pas frappé si fort. »« Reconnais-le seulement la manière dont il se venge, Christine. » Puis il ajouta avec un sentiment d'inexplicable prévision, triste, mais rayonnant de passion, et comme en regardant loin devant lui. « Ma seule amante à moi doit être fiancée sur le champ de bataille, et me couronnera dans les hurrahs de la victoire. » Il fit le soir même signer à son ministre, fort agacé, un contrat de mariage qui n'était pas celui du comte Erickson, mais bien qu'honoré du nom de Charles XII. Deux jours après, il assistait aux noces somptueuses de Christine. Adolphe de Hesse y portait ses plus nobles insignes, et le politique seul, qui souriait pourtant, trouva la réalité moins royale que son rêve. Ainsi s'achève Un soufflet, par Marceline des Bordes-Valmore.